dame boutique se dit qu'une dame chic se coiffe chez Alix tout près du pont en X. Madame de boutique se dit qu'une dame chic s'habille chez Snobix tout près du pont en X. Madame de haute pique se dit qu'une dame chic se chausse chez Félix.